je pense à la page blanche de notre amour, passé sans importance, et la nuit brise tous les miroirs de l'amour. Si je t'apercevais dans le soir, plus de tendresse ensoleillée, de rêve de laisser sur le bleu de nos mémoires. Et j'arpente tes nuits, insoumise à l'ennui. Oh, j'arpente tes jours pour trouver le bonheur sans détour, en t'aimant toujours plus fort. Rhapsody's night for lovers out of sight. Oh, combien de regrets quand je pense à la page blanche de notre amour. Mais c'est sans importance si la nuit brise tous les miroirs de l'amour. Oh, si je t'apercevais dans le soir, plus de tendresse oubliée, de rêve délaissé sur le bleu de nos mers.